Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive, votre rendez-vous avec l'actu locale. Et à Amboise, la campagne municipale commence doucement à se dessiner. Vendredi, le maire en exercice Brice Ravier a officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession. Une annonce déjà largement relayée, mais sur Radioactive, on a choisi de vous proposer l'intégralité de ses propos tels qu'ils ont été tenus lors de son point presse organisé au Café des Arts, entouré de l'ensemble de son équipe municipale actuelle. Au fil de plusieurs séquences, Brice Ravier revient sur les raisons de cette candidature, le bilan de son mandat, la future composition de sa liste et les priorités qu'il souhaite porter pour la suite. Pour commencer, retour sur le moment clé de ce point presse, l'annonce officielle de sa candidature. Avec un discours très axé sur la dimension collective de son engagement, Brice Ravier insiste notamment sur sa fierté de l'équipe municipale qui l'entoure depuis le début du mandat. On l'écoute. Vous voyez ici, en fait, on est dans un lieu qui est assez symbolique, en fait. C'est le Café des Arts. Ce lieu, il est à la fois le symbole de ce qu'on peut trouver en bois, c'est-à-dire des amboisiens, des cadres, des employés, des salariés, des saisonniers, mais aussi des touristes. Et c'est le croisement, en fait, de ce melting pot qui représente aussi bien Amboise, quoi. Ce lieu symbolique qui nous anime et pour lequel, vous voyez, aujourd'hui, je suis entouré de toute mon équipe. Et c'est ça aussi ce qu'on a voulu marquer aujourd'hui, c'est la présence d'une équipe. Et cette présence, elle est forte parce qu'elle nous a toujours porté. Elle a porté un projet, projet qu'on a mené depuis 2 ans et demi et projet qu'on va continuer de mener parce que, et là, n'est pas la surprise, mais c'est important aussi de le dire, j'ai décidé d'être un nouveau candidat pour les élections municipales 2026. Voilà. C'était certes pas une surprise, mais derrière l'homme que je représente, c'est d'abord et avant tout une équipe. Une équipe qui a travaillé depuis 2 ans et demi, une équipe qui s'est aussi installée. Il a fallu rassurer, réparer les choses qui avaient été mal faites ou pas faites, reconstruire des liens de confiance avec l'ensemble des acteurs, les partenaires, les collectivités, les associations, tous les financeurs, et puis remplacer aussi bon nombre d'agents qui étaient partis dans la mairie. Donc voilà, ça c'est un gros travail qui nous a fallu mener au début de la mandature, et puis après derrière, depuis juin 2023, nous avons mis en place notre projet, le projet pour lequel les Amboisiens nous avaient élus et pour lequel il a fallu pendant 2 ans et demi travailler tous les jours sans arrêt. Et je suis très fier de cette équipe parce qu'elle a su aussi être avec moi, avec l'ensemble des agents pour mener à bien ce projet. Voilà. Dans la continuité, le maire d'Amboise est revenu sur les objectifs de sa première mandature. Un mandat entamé dans un contexte particulier et qui arrive aujourd'hui à mi-parcours avec 2 ans et demi d'action, 2 chantiers et 2 projets déjà engagés sur la commune. Notre objectif, il était compliqué, hein, améliorer le service public qui était particulièrement dégradé, hein, notamment avec l'accueil de la mairie, retrouver aussi le bus urbain qui avait été arrêté par mon prédécesseur, créer de nouveaux services. Et j'ai en mémoire la Maison des associations qui rend un service important à toutes les associations amboisiennes, mais aussi voilà, un ensemble de services type l'épicerie sociale, l'escarcelle, qui a été inaugurée en février dernier. On a aussi investi de façon importante sur l'amélioration de la voirie. Vous avez ici, hein, fin des travaux de la rue Victor Hugo, avec une volonté constante de renaturer aussi la ville, d'arrêter cette minéralité importante et de replacer la nature au centre aussi de la ville d'Amboise. Et quoi de mieux que ce jardin qui est en construction juste derrière vous, qui sera fini dans 15 jours, ce jardin Fernand-Martin-Dumagny, qui va amener cette respiration que l'on souhaite vraiment sur Amboise. On a constamment voulu rénover de façon énergétique aussi, remettre des services, aussi la sécurité, parce que c'était important. Nous avons triplé le nombre de caméras de vidéosurveillance, et c'est important. Nous sommes dotés d'une brigade cynophile, la 3e brigade cynophile d'Indre-et-Loire, après Tours et Jouy-les-Tours. Tours, 150 000 habitants, Jouy-les-Tours, 50 000 habitants, Amboise, 13 000 habitants, une brigade cynophile, au plus près des habitants toujours. Et puis, nous avons été lauréats également du projet Limits, un dispositif de lutte contre l'implication des mineurs dans le trafic de drogue. Là aussi, travail constant, travail important. Et puis, pour terminer, nous nous sommes dotés, nous continuerons de nous doter également de moyens humains, de policiers municipaux supplémentaires pour être au plus proche des habitants, au cœur, dans le continuum de sécurité en lien avec la gendarmerie nationale et la compagnie d'Amboise. Grand article ce matin sur l'attractivité médicale, puisque là encore, deux nouveaux IRM et un scanner vont s'installer en 2026 à Amboise. C'est exceptionnel. Le centre hospitalier d'Amboise sera le deuxième centre hospitalier public à avoir une IRM en Indre-et-Loire. Attractivité maximale. Pourquoi ? Parce que nous avons su aussi apporter cette confiance avec le corps médical, avec l'ensemble des soignants. Et ce lien ville-hôpital avec les élus, c'est un lien qu'on a constamment. Alors, on avait une élue dotée de ce lien-là, c'est-à-dire qui était liée à l'attractivité médicale. Mais là encore, il a fallu travailler en confiance. Première maison de santé pluridisciplinaire universitaire d'Indre-et-Loire. Création cette année, avec le lien aussi avec des nouveaux médecins, des nouveaux médecins. Médecine de spécialité, Amboise dotée de 3 psychiatres, dont 2 qui sont arrivés cette année et l'autre l'année dernière. C'est-à-dire que quasiment nous faisons mieux qu'à Tours. Voilà, ça c'est Amboise. Ça c'est aussi l'attractivité d'Amboise parce que nous sommes, je veux dire, un territoire qui innove. Nous sommes aussi des gens qui voulons aller de l'avant et pour aller de l'avant, il faut à tout prix avoir des gens compétents. Et ces gens compétents, ils sont dans ma liste. Ils sont aussi... Bien sûr, là tous les jours, ce sont des élus de proximité, ils sont aussi dans les services de la collectivité, dans les services de la mairie et du territoire et de la communauté de communes aussi. Voilà, on a ramené la confiance, on travaille pour un territoire et ce territoire, c'est pour Amboise et pour les Amboisiens. Alors après, effectivement, et vous voyez une partie là, il y a une partie de la liste qui est présente, hein, qui sont des anciens élus, qui sont les élus qui travaillent toujours et ils vont travailler jusqu'au dernier jour. Il n'y a pas de « on part un an plus tôt », etc. Ça aurait été un manque de respect pour les Amboisiens. Nous avons été élus pour mettre notre projet jusqu'au dernier jour. Et donc, il est important que tous les élus soient motivés pour être là jusqu'au dernier jour. Et nous continuerons de le faire. Brice Ravier a également donné rendez-vous aux Amboisiens pour la suite de la campagne. Il a annoncé la présentation officielle de sa future liste prévue le 6 février au soir à la salle Francis Poulenc à Amboise. Une équipe qui, selon lui, sera très largement dans la continuité de l'actuelle, avec peu de changements. Nous allons présenter notre nouvelle liste aussi, parce que cette nouvelle liste, elle est active. Elle sera présentée le vendredi 6 février au soir, au sein de la salle des fêtes d'Amboise. Et cette nouvelle liste aura quelques nouveautés et nous serons très heureux de vous pouvoir les présenter à ce moment-là. Mais il y aura toujours ce fil conducteur, un projet au service d'Amboise et des élus compétents au service d'un projet au service d'Amboise. Ça, c'est ce qui est important. Pas de liste de briques et de brocs, non, des compétences au service d'un projet pour Amboise. Ça, c'est ce que l'on veut mettre à chaque fois et c'est ce que l'on continuera de faire sur les 6 prochaines années. Enfin, le maire candidat a détaillé les 5 grandes priorités de son nouveau projet municipal, des axes qui s'inscrivent clairement dans la continuité du mandat en cours, avec la volonté de poursuivre les orientations déjà engagées. Le nouveau mandat aussi va s'articuler autour de 5 priorités. Ces 5 priorités, c'est assurer le vivre ensemble, en améliorant le cadre de vie, au travers notamment la sécurité de tous les jours, l'embellissement, la propreté et une urbanisation cohérente aussi. Nous ne vont pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On respecte le territoire et on respecte ceux qui vivent dans ce territoire. On souhaite aussi poursuivre une dynamique actuelle d'économie et de commerce. Voilà, l'économie à travers la boîte ardière, aussi au travers de l'ensemble des entreprises qui sont sur Amboise. Et puis le commerce local qui fonctionne très bien, mais que nous souhaitons toujours soutenir comme nous le faisons à chaque fois. Nous soutenons également la vie associative sur Amboise, la vie sportive et la vie culturelle. Troisième démarche, c'est celle de porter une démarche de responsabilité, notamment sur la rénovation de nos bâtiments, de nos rues et de nos trottoirs. Nous souhaitons aussi continuer de diminuer nos consommations en eau et en énergie et renaturer la ville, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, et comme les premiers arbres arrivent, et cette renaturation, elle est constante sur Amboise. On souhaite aussi, et c'est aussi une grande demande de la part des usagers d'Amboise, partager les espaces publics. En trouvant en fait une harmonie entre les cyclistes, les piétons, les automobilistes, mais toujours en protégeant les plus fragiles des usagers. Nous souhaitons continuer aussi d'améliorer le transport urbain avec des nouvelles lignes, avec une optimisation de liens avec la gare et des usagers qui utilisent le bus soit pour se rendre à la gare, soit pour repartir sur les grands axes amboisiens. Et puis, objectif aussi, sur ces prochaines années, réviser le plan de circulation sur Amboise pour éviter le trop-plein de voitures à des périodes un peu stratégiques, comme l'été ou autre. Voilà, ça c'est aussi un travail. Et puis, dernière priorité, nous souhaitons renforcer la cohésion sociale. Ça aussi, c'est important dans notre projet. Reconquérir du logement, c'est-à-dire en retravaillant avec les lois qui nous permettront aussi de pouvoir être un peu plus contraignants vis-à-vis des Airbnb. Et je ne parle pas des Airbnb, des petits propriétaires avec des amboisiens qui ont une chambre, un logement auquel on est dans la genèse de l'Airbnb, mais bien des propriétaires qui empêchent Amboise le parcours résidentiel des amboisiens, qui empêchent, de par leurs achats en plein cœur de ville, de maisons, d'appartements ou carrément d'immeubles pour faire des immeubles à hôtels Airbnb. Voilà, ça, c'est ce que nous devons travailler. C'est ce que nous appelons aussi de nos voeux pour que la loi soit plus contraignante à leur égard, pour que derrière, Amboise puisse de nouveau respirer, de nouveau permettre aux amboisiens d'avoir un parcours résidentiel et faire en sorte aussi que les loyers soient pas si élevés parce que tout ce qui amène concurrentiel égale des hausses élevées et empêche les amboisiens de pouvoir venir vivre tranquillement dans différents lieux d'Amboise. Voilà, ça c'est aussi important pour nous. On souhaite accroître l'activité médicale, on l'a vu dans mes propos tout à l'heure avec l'IRM, enfin les deux IRM et le scanner, mais on souhaite aussi continuer de faire venir des médecins, continuer aussi d'offrir des possibilités. Et on travaille tous les jours avec la CPTS, Asclepios, avec la MSPU, avec le centre hospitalier et avec tous ceux qui peuvent faire en sorte, comme l'hôpital, comme le centre hospitalier universitaire de Tours, faire en sorte que des médecins spécialistes puissent venir soit en consultation au centre hospitalier intercommunal d'Amboise, ou soit de venir s'installer en Amboise. Ça, c'est pour nous aussi une grande importance. On continuera de soutenir les associations sociales, et bien sûr, nous n'oublions pas nos seniors à Amboise, et on continuera les actions vers les seniors, toujours en se dotant de moyens humains, de moyens matériels. Ce projet, autour de ces 5 actes, il est sérieux et cohérent. Et surtout, pas de promesses inutiles. Il sera compatible avec les moyens humains de la collectivité ainsi que les moyens financiers de la ville d'Amboise. On n'est pas là pour tirer des plans sur la comète et endetter au bout d'un an la ville pendant 100 ans. Nous sommes là parce que nous sommes des gens sérieux. Nous sommes des gestionnaires. Nous connaissons les Amboisiens et nous connaissons aussi le territoire et nous agissons pour Amboise et pour son territoire. Et donc, dans cette logique-là, quoi de plus naturel que le nom de notre liste, partageons nos forces et construisons l'avenir. Ce sera le slogan, c'est aussi le symbole de notre travail, c'est aussi le symbole de la vision dont nous voyons Amboise. Amboise est un tout, elle est constituée de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour embellir notre ville, et je suis particulièrement fier de ma ville. Voilà. Est-ce que le choix des Amboisiens va se faire sur le bilan ou sur le projet, selon vous ? Écoutez, le choix des Amboisiens va se faire sur la manière dont nous portons Amboise. Nous avons un excellent bilan, il sera en positif, et nous allons avoir un excellent projet avec des élus compétents, porteurs de valeurs, susceptibles de pouvoir le mettre en place, ce projet, pendant 6 ans. Nous aurons 6 ans. Nous sommes dans une continuité de ce que nous avons mis en place pendant 2 ans et demi. Et nous sommes avec des élus, et j'ai la chance d'avoir une équipe qui a envie d'aller de l'avant. Et cette équipe, elle est constituée. Notre liste, elle est complète. Et à partir de là, avec des gens compétents, une ville magnifique, quoi de mieux pour réussir ? Merci. Et pour compléter cet éclairage, nous avons également tendu le micro à Myriam Santacana, première adjointe, déléguée notamment à la communication et aux relations publiques, au commerce, tourisme, à l'international et aux grands événements. Myriam Santacana, première adjointe du maire Brice Ravier, est-ce que vous faites partie de l'aventure qui se profile à nouveau ou pas ? Et comment ? On a hâte d'y retourner. Même question qu'à monsieur le maire, est-ce que vous pensez que les Amboisiens vont porter leur jugement plutôt sur le bilan ou plutôt sur justement les projets à venir ? Alors, je pense qu'effectivement, les Amboisiens sont assez conscients du travail qui a été déployé là pendant les 2 ans et demi. Nous avons repris en fait les manettes de la ville. Donc oui, je pense que les gens, enfin les Amboisiens qu'on côtoie vraiment régulièrement, et j'en parlais justement tout à l'heure sur notamment tout ce qui est diagnostic en marchant, sont conscients du travail qui a été fait. Donc oui, le bilan, je pense qu'il est fort. On va bientôt le communiquer, mais les gens le connaissent déjà forcément à travers leur quotidien. Et puis ceux qui ont assisté à la cérémonie des vœux aussi. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a eu tout ce bilan qui a été fait lors de la cérémonie des vœux. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient là. Mais bien sûr, une campagne, ça ne se fait pas que sur un bilan. Hein. C'est le bilan, on va dire, entre guillemets, c'est du passif, même si c'est du passif qui est très fort. C'est tout un programme qui va compter pour l'avenir d'Amboise. Et effectivement, on aura de belles choses à vous dévoiler très bientôt. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Voilà donc pour ce retour sur l'annonce officielle de Brice Ravier, actuel maire d'Amboise et candidat à sa succession. Une campagne municipale qui entre désormais dans une phase de plus active, avec une présentation de liste attendue début février et des projets qui commencent à se préciser. On continuera donc bien sûr sur Radioactive à donner la parole à d'autres acteurs politiques locaux dans le respect du pluralisme et de l'équité. C'est la fin de ce mag, rendez-vous demain dès 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.